Bienvenue à Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. Web Musique, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une émission qui vous propose une sélection d'artistes qui publient sous licence Creative Commons. Des fois, c'est copyleft, d'autres fois, c'est dans le domaine public. Donc, une sélection internationale d'artistes. Puis, j'ai pas vraiment de préférence pour les genres. Il y a beaucoup de musique électronique dans le monde du net audio, mais j'essaie de vous en faire passer d'un peu tous les genres. J'ai vraiment des goûts éclectiques, donc c'est ça qui passe à l'émission. On va débuter tout de suite avec un artiste de la ville de Québec du nom de Maxime Robin qui a publié un album du nom de Mondrian Owns Geometry. Ça a été publié lundi sur le netlabel Fresh Pulp Records, un netlabel qui vient de la ville de Orléans en France. Donc, je vais vous faire entendre deux pièces. On va tout d'abord débuter avec Cleveland Shuffle, puis ça va être suivi par Brunchy Hawaiian Split. Vous allez voir, c'est vraiment bon. Je vous invite à télécharger l'album. On débute tout de suite Web Music avec Cleveland Shuffle. We'll be right back. C'était deux pièces tirées de l'album Mondrian Owns Geometry par Maxime Robin. C'était publié sur Fresh Pope Records. Donc, on vient tout juste d'entendre la pièce Brunchy Hawaiian Split. Puis avant ça, c'était Cleveland Shuffle. Donc, je vous invite à télécharger l'album. C'est vraiment excellent. Il y a à peu près, je crois, une trentaine de pièces. C'est des petits beats. Ça dure une minute et demie. Ça s'écoute vraiment bien. Donc, on va poursuivre avec un artiste du nom de Ewan Ouzami. On entend sa pièce Hope. Ewan Ouzami qui a publié sur Dusted Wax Kingdom. Ensuite de ça, on va entendre Emitron 7 avec sa pièce Fly Soup. Down. Down. Down on his luck. Down. Down. Down on his luck. Down. Down. Down on his luck. Down. Down. Down on his luck. forget an important Chinese principle. My principle is to chop you down. You must use the Chinese against the Chinese. You're playing the game of death. Nonsense. You are going to give me back every piece that you took. Unless you die a ninja. Thank you. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL. On vient tout juste d'entendre un artiste qui vient du Royaume-Uni. Il s'agit de Amitran 7. C'était sa pièce Fly Soup. Ça, c'est publié sur l'excellent netlabel Enough Records, un netlabel qui est extrêmement impliqué dans le monde du net audio. Ils ont à peu près, ils ont 244 albums dans leur catalogue. Ils ont 14 compilations. Il y a 7 samplers. Donc, vous pouvez voir un catalogue vraiment énorme. Je vous invite à aller faire un tour de leur côté parce que vous pouvez télécharger tous ces albums-là gratuitement. Donc, Enough Records, un netlabel à visiter. Avant ça, c'était sur Dusted Wax Kingdom, un artiste qui vient de la ville de Bristol. Il s'agit de Ewan Ouzami. C'était sa pièce Hope. On va enchaîner tout de suite avec deux artistes qui sont sur le netlabel chilien MDR Netlabel. Un netlabel qui se spécialise un peu dans le hip-hop. Vous allez voir, moi j'adore le hip-hop avec tendance espagnole. Il me semble que le flow est bon. Donc on va débuter avec Jazz EMR, sa pièce Barfly con Sick and Venom. Puis ensuite de ça, c'est José Diaz avec José Diaz a.k.a. CMC. Donc ça va être sa pièce Jazz del Escribor sin Fama. Donc on débute tout de suite avec Jazz EMR. Especial los Oscar del paraíso, piso con charco de alcohol, como un detonador de futuras úlceras en páginas eróticas, su casa crece en la basura, finge su muerte y se encierra en un bar, no le dé paso de plástico, hoy morderá el cristal, si vomitará su acto metafórico, quedará mongólico aturdido, escribiendo entre papeles con bilis siendo retórico y explícito, en una mirada básica no eres más que 9 dígitos, inscrito en un sistema de hijito de papi niño bonito, eso grita el hijo de puta y te reta, porque tu sola presencia te bastardo lo respeta, y entre tanto el trago y habla solo y en la soledad del vago que lo hace entenderlo todo y en el silencio de un callejón nocturno dejo huella busca del barrio que ya no mira las estrellas sucio borracho ya no busca la mantella le da igual si lo que tiene es una puta o una doncella busca lo que brilla cuando teo en la barbilla chiquilla sabe bien si te persigue te pilla son crónicas de vida rancia la balanza en calle de cabeza colgando y manos apoyas en flyer de jugo con la policía y de jugo de un player alcohol psicopatía siempre la elegancia mientras existe abundancia de sustancia, la garganta se mantiene mi arrogancia, vivo en la indecencia y mi actitud es una ofensa, soy estilo china que júzgame por mi apariencia. No importa la elegancia mientras existe abundancia de sustancia, la garganta se mantiene mi arrogancia, vivo en la indecencia y mi actitud es una ofensa, soy estilo china que júzgame por mi apariencia. No importa la elegancia mientras existe abundancia de sustancia, la garganta se mantiene mi arrogancia, vivo en la indecencia y mi actitud ofensa, soy estilo chinaki, júzgame por mi apariencia. Thank you. atrapados y desgarrados por diversas trampas. Escribir puede ser la trampa. Algunos escritores tienden a escribir aquello que complació a sus lectores anteriormente. Escuchan elogios y se los creen. Solo existe un juez definitivo de un escritor, y es el escritor mismo. Cuando este se deja seducir por los críticos, los editores, los directores de las editoriales, los lectores, está acabado. Y desde luego, cuando se deja llevar por su fama y su fortuna, puedes dejarlo flotar río abajo con la mierda. Amigos, es que solo escribo, escribo mi regreso, mi refugio cada trazo, sí, no soy un buen ejemplo, lugar en sí presiento, mi parte para caminar, soy consciente, en esto, demasiado orgullo, mi fracaso, si consigo sin nada espera, de nada se crepaso, de tanta trampa, de tanto caso, de forma que mal aprecio va poniendo beta cada track, sí, de la escritura, como armadura del tiempo, matando dudas, que se apresura, muchas quedan, espérame, claro, te escribo en un mar, no sé si somos libres, transparentes, cuerpo y alma, más, sigue mi trama, comedia pido más, escribo de la vida, diferencia no superficial, de normal, casi conquiste mis dolores, en colores de tinta y cintas que dan la rabia, sí. Por cada minuto que pase, entre palabras, textos y compases, dejando todo impedimento, solo y con tiempo, así nace lo que siento. Palabras como terapia, soledad y más nada, lo que da dentro salga, escribir y caminar, tomar respiro y continuar, continuar. Si vienes a escuchar amigos, es que solo te hablo. El chino sigue el barrio, escapando melodías, claro, no me complico. El otro sobra mi hijo, como también problemas. Envueltos, papel mi quema, llevamos con humo, sin rumbo alguno. Un mundo inoportuno, me espera la acera, fumo, al rato vivo. Testigo, señales entre el vino, y es por el camino, men, si lo sé, la poesía, flor de piel, se marchita por fama, dinero, solo dejar de ser, de tener el tiempo, prefiero perderlo, solo yo escribiendo, bebiendo belleza en anhelo, vomitando sueños, escribí el aliento, vacío, bolillos, pero bien lleno por dentro, si solo la ciudad escucha, saliendo con problemas de la ciudad como este mundo, por cada minuto que pase, entre palabras, textos y compases, programmation printemps-été 2010 de CKRL prendra bientôt son envol. Vous souhaitez monter sur la plus haute branche pour vous lancer? CKRL, la radio culturelle de Québec, vous en donne l'occasion. Vous avez jusqu'au 17 mai inclusivement pour soumettre votre projet d'émission de radio. Une occasion unique de s'inscrire dans l'histoire de la première radio communautaire francophone en Amérique du Nord. Vous devez être membre en règle de CKRL ou le devenir afin de vous joindre à notre équipe d'animation. Pour en savoir davantage sur la marche à suivre, rendez-vous au www.ckrl.qc.ca. C'est la radio culturelle. retour à Web Musique. Vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Donc, avant la pause, on entendait deux pièces à saveur hip-hop jazzy. C'était José Diaz, a.k.a. CMC, avec sa pièce Jazz del Escribor Sin Fama. Puis avant ça, c'était Jazz EMR avec sa pièce Barfly con Sick and Venom. Donc, deux artistes qui viennent du Chili, qui sont sur le netlabel MDR Netlabel. Netlabel intéressant, mais qui est seulement en espagnol. Donc, j'ai dû utiliser Google Translation pour réussir à comprendre puis à m'orienter un peu sur le site. Mais c'est ça, ils ont des albums intéressants. Je vous invite à aller les visiter. Vous pouvez toujours consulter la playlist de l'émission, c'est en ligne, donc ça peut vous aider à retrouver les pièces que vous entendez. Vous avez juste à vous rendre au www.webmusique.org, le web s'écrit O-U-E-B-E, donc vous allez avoir les liens vers les pièces que vous pouvez télécharger. Donc on va poursuivre avec un artiste qui vient de Berlin qui s'appelle Cosmonaut. Je vous fais passer sa pièce OP Code. Ça c'est sur le netlabel Ideology, un autre netlabel très prolifique. Et ensuite de ça, ça va être de la Russie, de la ville de Chakti. Il s'agit de Nick R61. Je vous fais passer sa pièce Muslim Goes. Ça c'est sur Husky E Sound netlabel. Donc pour tout de suite Cosmonaut, la pièce OP Code. Extreme. un artiste russe qui aime mélanger les influences. Il s'agit de Nick R61 avec sa pièce Muslim Goes. Nick R61, donc, c'est ça qui vient de la Russie. C'était sur Husky E-Sound, Net Label. Avant ça, ben, c'était Cosmonaut, un artiste qui vient de Berlin avec sa pièce Upcode. C'était sur Ideology. Cosmonaut, un album vraiment intéressant, des trucs planants. Ça, c'est autour du dubstep, il y a drum and bass aussi. Donc, c'est comme un album double. Il y a 12 pièces. Donc, je vous invite à aller télécharger ça le plus tôt possible. Vous allez voir, c'est vraiment bon. Nous, ben, on va poursuivre avec une pièce d'un Allemand du nom de Q's. Sa pièce s'appelle Skuzels. C'est sur Stiga Music. Puis ensuite de ça, ça va être suivi de l'artiste américain Breakmaster Cylinder avec sa pièce Ghetto Twitch Thursday. Ça, c'est sur Ruffle Tracks. Ruffle Tracks, c'est principalement des artistes qui font du YouTube Poop. Donc, c'est des détournements de vidéos. Ils mélangent plusieurs vidéos ensemble, puis ils font un montage vraiment ultra nerveux. Ça donne des pièces de musique complètement pétées. Donc, je vous invite à aller voir les trucs de Ruffle Tracks. Ils ont des trucs vraiment, mais vraiment surprenants. Donc, ben, c'est ça. Tout de suite, on écoute Q's, la pièce Skuzels. 2135. The time is 1800. Antenne de CKRL, vous êtes toujours à l'émission Web Musique. Donc, on vient tout juste d'entendre Breakmaster Cylinder avec sa pièce Ghetto Twitch Thursday. C'était sur l'excellent netlabel Ruffle Tracks. Avant ça, c'était Q's avec sa pièce Scusels. C'était sur Stiga Music. Ben, ça va déjà être tout pour Web Musique. Je vais vous laisser sur une dernière pièce. Avant ça, je vous rappelle de vous rendre au www.webmusique.org pour avoir accès à toutes les pièces. Vous pouvez les télécharger gratuitement. Il y a aussi la balado-diffusion qui est disponible pour ceux qui auraient manqué des petits bouts. Toutes les émissions sont disponibles. Je pense que ça remonte jusqu'à 2008. Donc, il y a pas mal de centaines d'heures de musique gratuite de disponible. Donc, c'est ça, on va se laisser avec un artiste de la ville de Québec, Form and Functions, la pièce Gamelan. Donc, c'est de l'excellent gamelan. Si vous en avez à me recommander, envoyez-moi un petit courriel. J'adore toujours cet orchestre d'instruments. Donc, c'est ça, on se laisse avec la pièce Gamelan de Form and Function. Puis, on se dit à la semaine prochaine à compter de 21h pour une autre émission de Web Musique. Bonne nuit. De l'île d'Orléans jusqu'à Saint-Antoine-de-Tilly, en passant par Limoilou et le Québec intramuros, sans oublier Saint-Roch. La musique de la vieille capitale est à l'honneur. 1h30 de pense globale, mais consomme locale. Ton voisin, c'est un musicien. Nouvelle émission, même combat, signé Monsieur Lemieux. Tous les lundis de 14h30 à 16h. pour le contenu. Le colocasse, le latour à l'orchestre. Who are you? Annick, I know, Clément Jacques, Oromocto Diamond, Shampoing, Sophie Anxilis, les autodidactes. Plastic Light, The JMC Project, Waving Hands, Scaffold, Mathématiques, Rando Spear, Lurosité. Perhaps because Nathalie Lassar et ses têtes de compte, Les Beaux Rouven, Les Gaules, Polyp, Saint Flemme, Kikuna, Paul André Cassidy, Acrophone, Jean René Milly Clapper et Calmy Poupée pour ne nommer que ça. Moi, mes artistes, comme mes tomates, je les consomme local. Ça, c'est de l'éco-logique. Mais non. Vous écoutez CKRL, la radio culturelle au 89,1.